nous raconte des histoires, des contes de fées, des promesses, pour embraser notre miroir avec des destins de princesses, de princesses. On nous raconte des histoires d'un Dieu aimant et rédempteur pour accaparer le pouvoir et nous faire oublier nos peurs, nos peurs. On nous raconte des histoires d'un homme béni par les foules qui prétend incarner l'espoir et qui, comme un pigeon, coucoule, coucoule. On nous raconte des histoires de pseudo-artistes cathodiques pour nous mentir et nous faire croire à des niaiseries mélodiques, mélodiques. On nous raconte des histoires de placement et de pognon. La bourse plonge dans le noir, tout le monde connaît la chanson. On nous raconte des histoires, nous des tricheurs empoisonnés, pour mieux courir après la gloire, se moque de nous chaque été. Été, racontez-nous un jour l'histoire des amoureux transis qui dansent, des souffrances de chaque soir qui nous révéleront la France, la France.